Ce procès est dérisoire! Il ne me concerne pas vraiment! Donc je vais m'en aller bientôt! Tout ça n'a pas grande importance. Il ne faut pas en faire une tragédie. Mais avant de partir, j'ai encore quelque chose à vous dire. Malheureusement, le cas de K n'est pas un cas unique! Je ne parle pas pour moi, mais pour les autres gens à qui les mêmes choses arrivent! Attendez! Une remarque pour votre bien, Joseph K. Aujourd'hui, vous vous êtes privé de l'avantage précieux qu'un interrogatoire représente pour une personne en état d'arrestation. Bande de crapules! Vos interrogatoires, je vous en fais cadeau! Donc vous êtes blanchisseuse? Je m'occupe du linge sale du tribunal. Mon mari est huissier de justice. Nous sommes logés ici. Nous libérons la pièce les jours de séance et puis... Vous êtes mariée, vous? Pourquoi pas? Mais dimanche dernier... Avec l'étudiant? J'ai peut-être dérangé votre discours devant le tribunal. Sur le coup, cela m'a rendu furieux. Et maintenant, vous me dites que vous êtes mariée. Partez! Cette femme est à moi maintenant. Vous, allez-vous-en! Personne ne veut de vous ici. Vous partez! On n'aurait pas dû vous laisser libre. Au moins vous assigner à résidence. Je l'ai dit au juge d'instruction, mais il n'a pas voulu m'écouter. Imbécile! Venez, madame. Ah non! Vous ne l'aurez pas. Arrêtez! Déposez cette femme! Tout de suite! Je vais vous étrangler! Inutile de l'arrêter! C'est le juge d'instruction qui l'envoie me chercher! Je ne peux pas aller avec vous! Ce monstre ne me lâchera pas! Je vais vous délivrer! Non! Surtout pas! Le juge d'instruction me veut! Et tout de suite, c'est un ordre. Je dois obéir. Le procès de Franz Kafka. Feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zain Meyrowitz. Une réalisation de Michel Sidorov. Quatrième épisode, Le Fouetteur. Avec Stéphane Valency, Marion Malenfant, John Arnold, Jérôme Chapat, Jacques Garcy. Ils se sont échappés. Accès au bureau. Bureau du tribunal. C'est au grenier que Berthold a emmené la blanchisseuse. C'est donc au grenier que se trouvent les bureaux du tribunal. Cela n'inspire pas beaucoup de respect. K n'empoche pas de pot de vin et ne profite pas de détournements de fonds comme les fonctionnaires d'ici. Il ne peut pas non plus se faire livrer une femme toute chaude sur son bureau comme le juge d'instruction. Mais au moins, à la banque, il a un grand bureau avec une grande fenêtre donnant sur la place principale. Il comprend maintenant pourquoi les gens du tribunal sont venus l'interroger chez lui. Ils avaient honte de le convoquer dans ce grenier pourri et détraqué, où les locataires des bureaux jettent leur bazar inutile. Mais c'est l'accusé K. Quel honneur! Soyez le bienvenu. Ici du tribunal, c'est bien ça. Si c'est votre femme que vous cherchez... Elle a été embarquée sur l'épaule de l'étudiant Berthold pour une livraison urgente chez le juge d'instruction. Encore? On me la vole tout le temps. Vous comprenez? On me charge de messages inutiles à apporter sans attendre. Je cours, me dépêche, hors d'haleine, hurle les messages en entrouvrant tout juste les portes des bureaux. Mais je ne reviens jamais à temps pour empêcher l'enlèvement. L'étudiant est toujours plus rapide. Vous avez bien vu? Il n'a que cet escalier du grenier à monter. Je le hais. Je rêve de l'écraser là contre le mur, l'écrabouiller, les bras en croix, les doigts éclatés, les jambes emmêlées. Et partout, là, partout, son sang étalé, partout. Il n'y a pas d'autre solution? Aucune. Et c'est de pire en pire. Jusque-là, Berthold emportait ma femme chez lui. Maintenant, c'est chez le juge d'instruction. Vous croyez qu'elle n'y est pour rien? Bien sûr que si. Elle est la femme la plus attirante de l'immeuble. C'est donc sa faute. Donc il n'y a rien à faire. Si. Il faut... donner une sévère raclée à l'étudiant pour qu'il ne touche plus à ma femme. Mais moi, je n'ai pas le droit de le faire, je perdrai mon travail. Seul un homme comme vous peut le faire. Moi ? Bien sûr, vous êtes accusé. Je dois me méfier. Il a probablement de l'influence au tribunal, cet étudiant. Mais cela ne m'empêchera pas de m'occuper de lui le moment venu. Oh, je vous en serai très reconnaissant. Il y a peut-être d'autres fonctionnaires qui méritent le même sort. Sans doute. Des juges d'instruction. Par exemple. Des avocats. Ça ne va pas ? Je suis tellement fatigué. Comment sort-on d'ici ? Je dois m'en aller. Montrez-moi le chemin. Là-bas, vous tournez au bout, à gauche, puis prenez le couloir à droite pour arriver à la porte. Non, venez avec moi, tout de suite. Je ne peux pas. Je suis en mission pour un nouveau message inutile. Par contre, vous, vous pouvez venir avec moi. Regardez comme tout est sale et délabré ici. On n'a pas beaucoup de considération pour le public. On ne considère pas du tout le public. Ici, dans un couloir du grenier, partout, des cloisons faites de planches qui montent jusqu'au plafond. La lumière du jour entre à peine. Partout, des gens assis à intervalles réguliers sur des bancs en bois de chaque côté du couloir. Ils sont très mal habillés. Mais à regarder de plus près les détails de leur comportement, ils appartiennent aux classes supérieures. Toutefois, ils ont l'air de mendiants. Qui sont ces gens-là ? Eux, ce sont des accusés. Tous des accusés. Alors ce sont des collègues à moi. Pourquoi sont-ils si humiliés ? Qu'attendez-vous ici ? Regardez comme il est désorienté par une question inattendue. C'est de toute évidence un homme d'une certaine expérience, normalement à la hauteur, qui ne cède pas sa supériorité aussi facilement. Mais ici, il ne sait même pas répondre. Il regarde les autres accusés comme s'il attendait de l'aide de leur part. Le monsieur vous a demandé quelque chose. Répondez. J'attends. Quoi ? J'ai déposé plusieurs requêtes. Et j'attends. Vous semblez vous donner beaucoup de peine. Bien sûr. Mon procès m'appartient. Son procès lui appartient. Tout le monde ne pense pas comme vous. Moi aussi, je suis accusé et je n'ai rien déposé du tout. Moi, je l'ai fait, moi. Donc vous ne croyez pas que je suis accusé ? Si. Non ! Vous ne me croyez pas ! Le cri de l'accusé comble l'agacement de K. Si on ne croit pas qu'il est aussi un accusé... Tant pis. Peut-être alors qu'on le prend pour un juge. Sortez-moi d'ici ! Là-bas, vous tournez au bout, à gauche, puis prenez le couloir à droite pour arriver à la porte. Sortez-moi d'ici. Monsieur Désir ? Sortir. Vous êtes blême ? Venez vous asseoir. Sortir. Vous avez le vertige ? Ce n'est rien. Tout le monde est pris de vertige ici la première fois. Le soleil chauffe la charpente et le toit devient brûlant. Ce n'est guère un endroit pour des bureaux, l'air du tribunal est vicié, à peine respirable. De plus, les locataires y étendent leur linge. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas étonnant que vous ayez un malaise. Mais vous ne pouvez pas rester ici, vous gênez le passage. Quel passage ? Si vous voulez, je vous conduis à l'infirmerie. Pas d'infirmerie. Conduisez-moi à la sortie. Je pense que le malaise de ce monsieur vient de l'atmosphère ambiante. C'est pourquoi il ne désire pas être conduit à l'infirmerie, mais sortir des bureaux. J'ai besoin qu'on me soutienne par les aisselles. Curieux, j'ai pourtant l'habitude à la banque de l'air des bureaux, mais ici... Vous finirez par vous habituer. C'est moins oppressant après la deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois... Moins oppressant après la deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois. Je dois sortir. Vous voyez que j'ai eu raison. Ce n'est que chez nous que ce monsieur se sent mal. Pas en général. Mais qui êtes-vous ? Je suis l'officier des renseignements du tribunal. Renseignements ? Je donne tous les renseignements dont ont besoin les accusés. Notre tribunal n'est pas très connu du public, et on nous demande beaucoup de renseignements. Je connais toutes les réponses à toutes les questions. Si vous en avez envie, vous pouvez un jour me mettre à l'épreuve. C'est mon privilège. N'est pas le seul. Comme vous voyez, ce monsieur est mieux habillé que nous autres ici. Nous, les fonctionnaires, on travaille, on mange, on dort ici. On ne change pas d'habit. C'est pour cela qu'on a l'air démodé. Ce n'est pas la peine de faire des dépenses vestimentaires pour rester toujours ici. C'est vrai que moi, au contraire, je porte de beaux vêtements. Notre administration a fait une enquête et ils ont fini par m'acheter ce beau costume que je porte. pour faire bonne impression, vous voyez. Même les accusés ont participé à l'enquête. Même les accusés ont participé à l'enquête. Je ne peux pas vous faire des requêtes aujourd'hui. C'est dimanche et je ne veux pas déranger. Mais je suis venu quand même. Vous n'avez pas à vous excuser. Votre caractère exemplaire est tout à fait méritoire, même si vous occupez notre espace inutilement. On voit tellement de gens qui négligent leurs devoirs, donc on se force à avoir de la patience avec des gens comme vous. Tout le monde pense que nous avons le cœur dur, nous, les fonctionnaires. En fait, nous avons envie d'aider les gens, mais personne ne nous croit. J'en souffre terriblement. K a le mal de mer. Il est sur un bateau pendant une tempête. L'eau frappe contre les parois en bois. Les bruits des eaux qui montent, qui frappent, viennent du couloir. Le couloir tangue dans le sens de la largeur, et les accusés de chaque côté, assis sur des bancs, sont soulevés, puis relâchés. Sortir. Allons, debout, petite nature. Cette jeune femme parle de K comme d'une chose, sans force ni volonté. Il commence à être inquiet de son état de santé. Jusque-là, il a été très solide. Il n'est pas habitué à de telles défaillances. Son excellente mémoire d'autrefois, aujourd'hui, l'abandonne. Il se sent séparé des autres par un mur de verre. Il n'entend rien, il ne comprend rien. Est-ce une révolte de son corps? Un nouveau procès? Il supportait l'autre procès trop facilement. La semaine suivante, K, à la banque, dans le couloir qui sépare son bureau de l'escalier central, passe devant un débarras désaffecté. Dedans, des tas de papiers imprimés inutiles, des encriers vides, et trois hommes qui se tiennent courbés sous un plafond bas. L'un d'entre eux, torse nu, porte un gilet en cuir et un fouet à la main. Que se passe-t-il ici ? Oh, maître ! Mais ce sont les gardiens ? On va nous fouetter ! Parce que tu t'es plaint de nous au juge d'instruction ! Willem et Franz, qui ont arrêté K chez lui. Je lui ai raconté ce qui s'est passé chez moi. C'est tout, je n'ai jamais demandé que vous soyez punis. Ah, tu vois, Willem, je te l'ai dit, le monsieur n'a jamais demandé que nous soyons punis. Ne les écoute pas ! La punition est juste et incontournable ! Maître, si tu savais comme on est mal payé. Je dois nourrir ma famille. Et Franz veut se marier. Le travail ne suffit pas en soi pour faire fortune. C'est pour ça qu'on a pris ton beau linge. Ce qui nous est interdit. Mais quand même, le linge revient à ton gardien. C'est la tradition. L'accusé n'en a plus besoin. Je n'ai pas demandé que vous soyez puni. Si. Tu nous as dénoncé. Sinon, rien ne nous serait arrivé. Tu dois admettre, du point de vue administratif, maître, que nous avons été de bons gardiens. On allait avoir notre promotion de fouetteur, nous aussi. Et maintenant, maître, notre carrière est brisée. Nous sommes obligés maintenant d'effectuer des tâches en dessous de notre rang de gardien. Et en plus, de subir cette punition. Ça fait mal à ce point? Ne les écoute pas. Vous deux, déshabillez-vous. Regarde-le, celui-là. À force de manger le petit déjeuner de tous ceux qui l'arrêtent, le voilà gras, comme un porc. Tu vois, les coups se perdent dans la graisse. Un homme avec un bit pareil ne peut pas devenir fouetteur. Écoute, ils ne sont pas coupables. Je te paierai si tu les laisses partir. Et tu me dénonceras moi aussi, et je serai fouetté à mon tour. C'est l'organisation, les juges d'instruction, les hauts fonctionnaires. Oui. Il faut fouetter les juges, ce serait plus juste. Je suis bourreau de métier, donc je fouette. Je ne me laisserai pas acheter. Pitié, maître! Wilhelm a l'habitude d'être battu, moi non. Je ne suis pas encore déshonoré. Ne crie pas, je t'en prie. Bonsoir, monsieur le fondé de pouvoir. Que se passe-t-il? Un problème? Le cri de Franz a tout gâché. K ne peut se permettre de se laisser surprendre en train de négocier avec le fouetteur dans le débarras par des employés subalternes. Non, non. C'est juste un chien qui hurle. Vous pouvez retourner à votre travail. K est agacé de n'avoir pas pu empêcher la punition. Puis seulement Franz n'avait pas crié. Bien sûr, cela doit faire très mal. Mais il faut parfois quand même savoir se retenir. S'il n'avait pas crié, K aurait trouvé le moyen de persuader le bourreau. Et s'il lui proposait plus? Tous les fonctionnaires sont des corrompus. Pourquoi pas lui? Peut-être qu'il s'est montré plus dur avec les gardiens pour faire monter le taux du bakchich. Pour le moment, le plus efficace serait peut-être que K se déshabille et qu'il prenne la place des gardiens sous le fouet. Qu'il sente les coups, la douleur, les spasmes, qu'il batte le sol de ses mains meurtries en alter ego. Mais il ne le fera pas. Le lendemain, les gardiens sont toujours présents dans les pensées de K. Il arrive au travail, se dirige comme tous les jours vers son bureau, mais s'arrête devant la porte du débarras. Il tend l'oreille. Silence. Dans l'obscurité, il discerne les imprimés inutiles, les encriers vides, puis... Maître! Maître! Faites-moi le ménage de ce débarras! C'est plein de saleté là-dedans! Libérer les deux gardiens serait une action naturelle et juste. Il a déjà commencé à combattre cette justice corrompue. Pourquoi ne pas intervenir aussi maintenant? Le jour où il sera au terme de son affaire, K punira les vrais coupables, l'organisation, les juges d'instruction. Oui, il fouettera les juges et les hauts fonctionnaires qui aujourd'hui se cachent, qui n'osent pas se montrer devant lui. C'était Le procès de Franz Kafka, feuilleton en 10 épisodes, Traduction et adaptation radiophonique, David Zain Meyrowitz. Quatrième épisode, Le Fouetteur, avec Stéphane Valency, K. Jérôme Chapat, l'huissier. Jacques Garcy, l'accusé. Marion Malenfant, la jeune femme. John Arnold, l'officier de renseignement. Thierry Pietra, le fouetteur. Philippe Weissert, Willem. Bertrand Suarez-Pazos, Franz. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Lagniel, Emmanuel Armingue. Assistant, Guy Peramor. Réalisation, Michel Sidoroff.